cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فتقدم معنا في هذه الرسالة كلاما نفيسا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبين بهذه المقدمة لأن ce niveau du livre on arrivé au moment où l'auteur رحمه الله il va répondre aux شبهات شبهات المشركين avec un jawab مجمل مجمل ثم جواب مفصل. ومن بداية الكتاب jusqu'à cette partie du livre رحمه الله il a démontré des points importants et c'est عبارة عن مقدمة, c'est comme une introduction avant de citer les ambiguïtés des مشركين et de répondre et de les réfuter. فماذا ذكر رحمه الله؟ Qui c'est qui peut résumer ما ذكره المؤلف رحمه الله؟ تفضل. نعم. ما الدليل أنهم فهموه أو قبلوه واعترفوا به؟ لا يقولون الله. أحسنت. فالمؤلف رحمه الله الأوتور il a bien démontré في هذه الرسالة أن جميع الأنبياء والمرسلين tous les messagers tous les prophètes عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى les a envoyés pour mettre en garde contre Al-Shirk et appeler chaque Nabi sa Ummah à هذا التوحيد العظيم توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية, et on est obligé de citer la différence الفرق بين التوحيدين بين توحيد الربوبية والألوهية عند من؟ تفضل. توحيد الألوهية هو إخلاص الله بالعبادة, وتوحيد الربوبية هو إخلاص الله بأفعال الله تعالى بالملك والخلق والتدبير. دونك الربوبية سإفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير وجميع أفعال الله سبحانه وتعالى. Unifié الله سبحانه وتعالى في أفعاله. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui guide, et la akhir, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui facilite à qui il veut, azza wa jal. Un ufridullahi subhanahu wa ta'ala fi hada. Et on a la conviction, la croyance que personne ne peut créer sauf Allah, personne ne peut guider sauf Allah, personne ne peut guérir sauf Allah, azza wa jal, ou hakada. Ça c'est tawhid al-rububiyya. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى في العبادة. أي toutes les adorations c'est من حق الله عز وجل. أي on n'a pas le droit d'accomplir une عبادة, quelle que soit cette عبادة, que ce soit une adoration du cœur ou de la langue ou des membres, on n'a pas le droit de l'accomplir pour autre qu'Allah سبحانه وتعالى. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et cette autre, c'est forcément une créature, il y en a le créateur, il est unique, c'est Allah. Et cette créature, il n'y a aucune différence. Que ce soit un prophète, ou un messager, ou un ange, ou un arbre, ou une pierre, ou un mort, ou un vivant. Il n'y a aucune différence. Aymin Hayth, on n'a pas le droit de l'adorer. Même si c'est un prophète. L'imad aliyanna al-ibada, c'est un haqq, c'est un droit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, on doit citer huna pour être plus clair. Ma wajhu al-ilzam, ou en français, la relation, ou ce qui lie ces deux tawhid, c'est quoi? Indaman. Tfadda. يخلق كل شيء هو المستحق العبادة. أحسنت. أن الخالق المدبر المحيي المميت أي الرب عز وجل le créateur il mérite l'adoration. Ça va ensemble. نستفيد ماذا من هذا الأمر العظيم؟ Qu'est-ce qu'on va retirer de ce point? أن reconnaître ou croire que Allah c'est le créateur et ne pas l'adorer, ça suffit pas. لأن ça va ensemble. Celui qui reconnaît le créateur, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, أنه celui al-khaliq, celui créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui nous a tout donné, il est obligé de l'adorer. ما الدليل؟ تفضل. نعم أحسنت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أمر من الله. Et ça concerne tous les êtres humains. بل جميع الثقلين الإنس والجن. Tout le monde doit adorer qui? الرب, le créateur. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أي adorez Allah, votre رب. Pourquoi? لأنه il vous a créé. Ça nous montre que le créateur, il doit être adoré. Qu'est-ce qu'il a conclu de ce point, Cheikh al-Islam, rahimahullah, tafaddal. تقدم. لكن il a conclu quoi, Cheikh al-Islam? Tafaddal. Il a conclu, rahimahullah, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a combattu كفار قريش مع أنهم ils ont reconnu هذا التوحيد أي الربوبية وقاتلهم عليه الصلاة والسلام. Ça nous montre, il a appuyé sur ce point جدا المؤلف rahimahullah pour démontrer أن ceux qui basent leur da'wah sur tawhid al-rububiyya, ils n'ont pas compris din al-islam. Ils n'ont pas compris da'wat al-anbiya wal-rusul. Ils n'ont pas compris manhaj al-anbiya. Celui qui a compris din Allah, sa da'wah, et son appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se baser, il va être fondé sur l'appel au tawhid, tawhid al-ibad. فلهذا il a démontré, rahmatullah alayhi, أن هذا الاعتراف وهذه المعرفة أن الله عز وجل سي الخالق سي الرب سايتي دوكون اتيليتي pour les كفار. ما الدليل؟ الدليل كي لاسيتي الأخ تفضل. نعم لكن الدليل كي سي دوكون اتيليتي كي لاسيتي tout à l'heure تفضل. نعم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Ce dalil montre أنهم ils ont compris توحيد العبادة. Et ce dalil montre أنهم ils ont admis, accepté توحيد الربوبية. Et ça a été d'aucune utilité pour eux. لماذا؟ لأنهم ils ont pas prononcé الشهادة. Ça montre هذا أن celui qui reconnaît et qui croit en Allah c'est le Rabb, لكن il applique pas توحيد العبادة. Il prononce pas الشهادة. Il la met pas en application. Ça lui sert à rien. Bel, ils ont été étonnés. Inna hadha la shay'un ujab. Et ils ont accusé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Annahu c'est un sahir, c'est un kadhab. Na'oudou billah. Min al-inhiraf. Hadha, c'est très très important. Si on a compris hadha, cette différence entre al-rububiyya wal-uluhiyya, et un din al-islam, il est fondé sur hadha tawhid al-azim. Et on répète, ça ne veut pas dire qu'on néglige tawhid al-rububiyya. On ne donne pas d'importance. Là, ça fait partie de l'iman billah, en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Rabb, c'est le Khaliq. Lakin, on a la conviction anna kathiran min an-nas, hatta al-kuffar, ils acceptent hada. Wa taqaddam ma'ana même Iblis, al-shaytan, il accepte hada. Khalaqtani min nar. Iblis, il n'a jamais prétendu que c'était le créateur. Là, il n'a pas voulu se prosterner, il s'est égaré parce qu'il n'a pas voulu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le fait que Iblis, il avait la conviction en Allah, c'est le créateur, ben il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un délai. Anzirni ila yawmi yub'athoun. Il a demandé ce délai, il a demandé à qui? Au Rabb. Azza wa Jal. Malgré cela, c'est d'aucune utilité. À ce point, il est essentiel. Si on a compris cette différence, et les kuffars Quraysh, ils n'ont pas accepté l'islam. Pourquoi? Qui c'est qui répète et qui détaille un peu plus ce point? Indaman, tout le monde doit participer. C'est les donos qu'on a vus ensemble. Fadda. لماذا؟ لماذا ils l'ont pas accepté? Ils l'ont pas accepté parce que نعم لأن le fait de prononcer كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله ça implique de délaisser le shirk et c'est ça توحيد العبادة. Tawhid, c'est fondé sur deux piliers, al-nafi wa al-ithbat. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et délaisser le shirk. C'est ça, tawhid. La ilaha illallah. Allez, hada, ils ont compris hadi al-ma'na. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Et est-ce que toutes nos idoles, on doit les délaisser pour adorer un ilah et Allah? Inna hada la shi'un ujab. Ils ont dit hada, c'est étonnant. C'est ajib pour eux. Qu'ils vont délaisser la religion de leurs parents? Et délaisser toutes ces idoles, ils se sont entêtés, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Donc, l'abud min hada, un hada tawhid, ça va impliquer quoi? Al-kufr bit-ta'ud. Faman yakfur bit-ta'ud, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Et, kathir min al-ulama, min al-mufassirin, ils expliquent al-urwati al-wuthqa billah ilaha illallah. Ay, l'abud min al-kufr bit-ta'ud, ay, délaisser le shirk, délaisser le ta'ud. Et, Al-Iman Billah, adorer Allah seul, celui qui a ces deux points, bi-idnillahi azza wa jal, c'est un mouhid. Kuffar Quraysh, ils ont compris hada, ils ont refusé. Ils ont refusé de prononcer la ilaha illallah. Kadhalik stafadna min hada kulli, anna ma'na la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah, c'est unifier, adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa ça serait أي معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله le fait de reconnaître Allah et croire que Allah c'est le créateur فقط كفار قريش ils l'auraient prononcé لماذا لأنهم ils reconnaissaient Allah comme créateur ça montre أن كلمة التوحيد c'est الإيمان بالله عز وجل أنه c'est الرب et أنه c'est المستحق للعبادة وحده si on a compris tout cela شيخ الإسلام il a cité deux fruits. Fa'idatan, azimatan. Si tu as compris hada, ça va te pousser à deux choses. La première, tafaddal. Al-farahu bi hadha al-'ilm bi hadhihi an-ni'ma. Anna al-mu'min sera heureux. Limadha? Li'anna Allah 'azza wa jalla faddalahu 'ala kathirin min khalqihi. Allah l'a élevé par rapport à beaucoup. Kam min an-nas la ya'lamun. هذه المسائل. Ils ne font pas la différence entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. فأنت, si tu as compris هذه المسائل, فبشر. C'est une ni'ma azima. Et ça doit être une cause de bonheur pour toi, ayyuha al-mu'min. كذلك, ça doit te pousser à une deuxième chose. تفضل. Al-khawf, on y parle fi shirk. Al-khawf. Ça doit pousser le mu'min à avoir peur. Et craindre Allah subhanahu wa ta'ala limadha li'annahu il n'est pas à l'abri de faire du shirk et de contredire at-tawhid. L'insan tant qu'il est vivant il n'est pas à l'abri. Ce qui était à l'abri c'était l'anbiya wa rusul ma'soumoun. Ils étaient préservés de tomber fi ash-shirk. Amma nahnu fala. Falihada on doit da'iman vivre avec hada al-farah. Et reconnaître cette ni'ma, et on est heureux d'appliquer ce tawhid et de le comprendre, et en parallèle, la crainte, nakhaf, est de perdre cette ni'ma, de s'égarer via d'albab al-azim. deux faida, faidatan, al-farah wa al-khawf. Thumma, Cheikh l'Islam, après tout cela, il a démontré un al-mu'min qui va s'accrocher à son dîn, qui va appliquer hadha tawhid, qui va aimer le mu'minin, qui va délaisser le shirk et qui va détester le mushriki, il sera forcément éprouvé par un adou. Il sera forcément éprouvé par un ennemi. Les mada, les anakum, à l'époque, Kuffar Quraysh, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés à hadha tawhid, ils ont refusé et ils l'ont accusé et ils l'ont combattu et ils l'ont chassé. Fahakada, chaque mu'min qui viendra après, ou qui est venu après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ila an yasha Allah subhanahu wa ta'ala, s'il appelle à hadha tawhid, bien sûr, ala wajhihi sahih, et comme ils ont fait l'anbiya wa rasul, il aura des ennemis. Labout. Al-Yahoud, al-Nasara, wa al-Rawafid, wa al-Soufiya, wa sa'ir ahli al-Batil. Ils l'accuseront. De wahhabites, de terroristes, de radicalistes, de kada, de kada. Alors que il appelle à hada tawhid al-azim et il appelle à aimer le mouhidin et détester le mushrikin. Hada, c'est quelque chose de très très important. Hatta hada le mu'min qui a ses connaissances et qui a ses informations, ça va le pousser à apprendre son din, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve, à faire des efforts pour l'ilm. Lianna ha'oula al-kuffar, ses ennemis, ils ont des shubuhat. Ils te combattront pas qu'avec des armes ou en faisant du mal à ton corps ou en te chassant, pas qu'avec ces moyens-là. À notre époque, ils te combattront kathiran avec des doutes, avec des ambiguïtés, avec des imams de l'égarement, avec des prêcheurs iyadam billah qui appellent au dhalal et qui combattent hada tawhid. Anta, si tu as compris tout cela, tu dois faire des efforts fil ilm pour comprendre hada l'ilm, et tu fais partie de ceux qui font un effort, chacun par rapport à sa capacité, pour secourir din Allah, subhanahu wa ta'ala, pour propager din Allah, azza wa jal. Thumma, Cheikh l'Islam, après cette muqaddima nafi'a, et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, où on va commencer aujourd'hui, il va citer ses shubah, et ses ennemis de l'Islam, qui ont accusé l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab à son époque, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins, ils ont accusé le rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam avec des choubahs. Et ces choubahs, c'est souvent les mêmes, fit tawhid. Même s'il y a des nouvelles choubahs, en général, les bases, c'est ce qu'il a cité. Anta, si tu as compris ces ambiguïtés, et tu es capable de les réfuter avec le Coran, avec Sunna, avec Kalam Ahl al-Ilm, tu vas profiter d'it. Les madal, il y en a ces choubahs, vous verrez qu'elles sont répandues, kathiran. Et kadhalik, tu seras une source, une cause pour montrer à tes frères musulmans, tes proches et autres que tes proches. Ah, les risalas, c'est une risala nafi'a. C'est sur ça qu'on doit mettre, ou c'est dans ça plutôt qu'on doit mettre nos forces. C'est dans ça qu'on doit faire des efforts. Amaqil wa qal wa, des choses où qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité ou pas d'utilité beaucoup, c'est une perte de temps. Perdez pas votre temps, fihada. Mettez vos forces, fihada al-kalam. Dans ce genre de rasail, limada. Lianna ces rasail, vous avez remarqué qu'on a étudié ensemble de Cheikh l'Islam, rahimahullah, c'est fondé sur le Coran ou Sunna. Kitab al-Tawhid, c'est que des versets et des hadiths. Cette risala, kadalik, beaucoup de hadiths et beaucoup de versets, et rahmatullah alayhi, pour te mettre en garde. C'est ça qui est utile pour le mu'min. Place tes forces dans hada, des rasail très très simples, quelques pages. Fiha fawaid azima. Lakin, pour pouvoir étudier ce genre de rasail, il faut faire des efforts. S'il faut se déplacer, il faut se déplacer. S'il faut faire des sacrifices, il faut faire des sacrifices. Amma wahad qui est pris par dunya, il veut toujours plus. Et il se met pas un temps où personne doit le déranger. Il a, bien sûr, quelque chose d'urgent, quelque chose de, on n'a pas le choix. Et il se concentre. Il donne à chacun son haq. Il est marié, il donne bien sûr le droit à sa femme. S'il a des parents, bien sûr, il leur donne leur droit. Il a chacun son haq. Mais on ne mélange pas tout. Et avant le haqq, c'est ça. Haqq Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawhid. Il faut faire des sacrifices. Mais sinon, des années, et on n'arrive pas à comprendre et finir ce genre de livre, al-haqiqa, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alhamdulillah, on avance ensemble, cours après cours, livre après livre, c'est une ni'ma azima, lakin on conseille kadhalik ceux qui ne sont pas avec nous. Qala rahimahullah, wa ana adhkur laka ashiya مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. À partir de ce passage, نعم. وأنا أذكر لك أي المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب الإمام يقول أذكر لك أي je vais te citer à partir de ce moment, à partir de ce passage, des choses dont il a été accusé رحمه الله. Et il va répondre à ces ambiguïtés. قال, ou plutôt des choubah, des arguments que les mushrikoun ils ont cités à l'époque de Cheikh al-Islam pour montrer annahum ce qu'ils faisaient c'était pas du shirk. Alihada al-mu'allif il a appelé son livre Kashf al-Shubuhat. Il va dévoiler, il a dévoilé rahmatullah alayhi shubuhat ha'oula. Il a démontré anna c'était pas des arguments. أن سكي فزي ستي غير موندو الشركة يبعد يمونتخي بوركوا. قال الشيخ الفوزان لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهته إلا وفي القرآن ما يبين بطلانها وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة دخل في التمثيل من الواقع الذي جرى للشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه. Après avoir cité دعوة الأنبياء et ma hasala lil anbiya alayhim salatu wassalam, Cheikh al-Islam, il va citer des choses qui sont arrivées à son époque, et des ambiguïtés qu'ils ont propagées concernant al-shirk. Qal wa min huna ila akhir al-kitab kulli kashafa shubuhat aw kashf shubuhat ya'tariduna biha ala al-shaykh wa huwa yujibuhum anha min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa yadhhab hujajahum wa bidhalik نصره الله عليهم وأبطل كيدهم. وهكذا من تمسك بكتاب الله عز وجل والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينصره الله. الله للسكوخ. الله يسكوخ بل إنسان par rapport à par rapport à sa quwa, par rapport à son intelligence, par rapport à son argent, par rapport à أنه il est courageux, il a pas peur ou il parle beaucoup. Là, celui qui sera secouru contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est accroché au Coran et à la Sunna, qui propage le Coran et la Sunna. Son but, c'est de propager le Coran et la Sunna. Mais celui qui veut protéger son nafs, et il veut la célébrité, il veut se montrer, il veut avoir les dessus par rapport à lui, فَهَذَا يُخْذَلْ. Au départ, il se fera avoir. لِمَاذَا لِيَنَّهُ il s'accroche à une chose qui n'est pas solide. Il est basé sur rien. Voilà, c'est muhim. Et ça, c'est un mythal azim. An Allah Azza wa Jal nassara Rasulahu sallallahu alayhi wa sallam l'anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a appelé à din Allah il haq. Wa hakada jami' al-anbiya wa al-rasul. Wa hakada al-sahaba radiyallahu anhum. Wa hakada a'immatul islam. Ils ont tous appelé à hada al-haq fa nassarahum Allah. Sheikh al-Islam nassarahu Allah. À son époque, sa da'wah s'est propagée jiddan et jusqu'à aujourd'hui. Malgré que les ennemis de l'islam, ils essayent de le salir, laylan wa naharan, et ils l'accusent et ils mentent. Lakin, man nasarahu Allah subhanahu wa ta'ala, même si al-a'da, ils font beaucoup d'efforts pour le salir, ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Amma celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, il le guidera. Qala, fanaqul. جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أي pour répondre à هؤلاء أهل الباطل. الباطل c'est le contraire du حق. أي ceux qui contredisent le Coran ou le Sunna, que ce soit le kuffar ou le mubtadi'a. Pour leur répondre, il y a deux méthodes, deux façons. طريق مجمل وطريق مفصل. قال الشيخ الفوزان المجمل هو القاعدة العامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان. أي c'est une règle générale pour répondre à tous les égarés, que ce soit ceux de notre époque ou ceux d'avant, et quel que soit leur égarement, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit le mushrikoun, que ce soit Ahl al-Bida, avec cette règle tu pourras répondre Et ça, c'est très très important d'avoir ce genre de règle de base. قال والمفصل هو الرد على كل شبهة على حدة. فإذا عرفت المجمل والمفصل في رد الشبهات صار عندك سلاح لمنازلة المشركين والمبطلين. المفصل كما قال الرد على كل شبهة على حدة. أي répondre à chaque شبهة en détail. مثلا la شبهة numéro 1. On répète شبهة c'est ambiguïté. Quelque chose qui ressemble au haq, mais qui ne sait pas du haq. Donc, الرد على كل شبهة على حدة. مثلا la première شبهة. Cheikh al-Islam va répondre. Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, il a expliqué dans son sharh. Deuxième شبهة. Cheikh al-Islam il a répondu. Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, il a expliqué. Wahakada jusqu'à la fin du livre. La première partie, une réponse globale, générale. Thumma jusqu'à la fin du livre, le détail. Et une réfutation détaillée. Chaque ambiguïté. Cheikh al-Islam il l'a cité et il a répondu. قال أما المجمل فهو الأمر. نعم انتهينا من كلام شيخ الفوزان. هذا كلام المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله. قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Ce verset, c'est une réponse à jami' أهل الباطل. C'est une réfutation contre tous les égarés, tous ceux qui ont des شبه. عيادا بالله. قال شيخ الفوزان هذا هو الرد المجمل على الشبهات. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن. Et ce verset il montre أن الله سبحانه وتعالى il est في العلو وهو الذي أنزل عليك الكتاب. Et c'est lui qui a révélé, qui a fait descendre ce livre sur le prophète. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala il est في السماء. Il est au-dessus de sa créature عز وجل. Il est au-dessus des cieux. Il est sur son trône. الرحمن على العرش استوى. قال يعني القرآن. والقرآن سكلام الله. C'est la parole d'Allah. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أي في هذا القرآن. Dans ce livre, il y a des versets. Allah سبحانه وتعالى les a qualifiés de محكم. آيات محكمات. قال المحكم هو الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. آية محكمة. C'est un verset qui est clair pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'un autre verset pour l'expliquer, pour le détailler. Verset, il est clair. قَالَ فَالْقُرْآن مِنْهُ آيَاتٌ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ. مثلاً, des versets qui interdisent الخمر, des versets qui interdisent l'alcool, des versets qui nous montrent que salat c'est obligatoire. Tout ça c'est آيات محكمات, c'est clair. Le verset, tu dois faire salat, tu dois faire salat. Thumma, comment la faire, les détails, tu as besoin d'autres preuves. Amma l'amr, il est clair. Kadalik, l'interdiction. L'interdiction du khamr, elle est claire. C'est pour ça que tous les muslimines, ils savent que l'alcool, c'est haram. Tous les muslimines, ils savent que la viande de porc, c'est haram. Tous les muslimines, ils savent que jeûner le mois de ramadan, c'est obligatoire. Faire le hajj, c'est obligatoire. Faire salat, c'est obligatoire. Ça, c'est des choses wadih. Il a un musulman qui vient de se convertir, Arubama, il venait d'un bilad où il n'y avait pas de muslimine, il ne connaissait rien de l'islam. فهذا petit à petit l'apprendra. وإلا الأصل خاصة في بلاد المسلمين. فالحمد لله tout le monde connaît ces choses. قال فالقرآن منه آيات على هذا الشكل محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها هن أم الكتاب. أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه. فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه. نعم أم الشيء أي الأصل هن أم الكتاب. C'est l'asl, la base. قَالَ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ. Donc, on a deux catégories. وَهَذَا تَقَدَّمْ مَعَنَا مَعَ بَعْضِ الْإِخْوَانِ فِي أُصُولِ التَّفْسِيرِ وَهَكَذَا. Ceux qui ont étudié أُصُولِ الْفِقْهِ, العلماء, العلماء الأصول, ils citent هذا الباب. Et la différence entre le muhkam et le mutashabih. لكن هنا, Cheikh al-Fawzan, Allah, il a résumé avec un kalam très simple. Et à notre niveau, ça nous suffit. Donc, le muhkam, c'est les versets clairs. Tu n'as pas besoin d'un autre verset pour te le détailler ou pour te l'expliquer. Tu peux le comprendre en le lisant. Bien sûr, celui qui est arabophone, il est akhir. قال وأخر متشابهات المتشابه هو الذي يحتاج لبيان معانيه إلى غيره فيرد إلى المحكم. المتشابه c'est un verset pour le comprendre, tu as besoin d'un autre verset. Un verset pour le comprendre, tu dois revenir à un verset min al-muhkam. Et la première catégorie, les versets clairs, qui va t'expliquer, te détailler le sens de ce verset. Et هذا c'est pas tout le monde qui le comprend. فلهذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا c'est pas tout le monde qui peut le comprendre. C'est les ulama qui comprennent ce genre de verset. كذلك ceux qui ont étudié هذا العلم, ils vont comprendre ces versets. أما عمي qui n'a pas étudié, ربما لا يفهم. فالتبس عليه. Il est obligé de demander. Et le savant qui va être interrogé va lui expliquer ce verset avec des autres versets. Il va lui montrer أن الله عز وجل قال كذا. Il va citer le verset, il va lui montrer أن المراد, le sens, c'est telle chose, telle chose et telle chose. On citera des exemples si Cheikh Al-Fawzan حفظه الله, il n'en a pas cité. قال ومن المتشابه المحتمل لمعان متعددة ويحتاج إلى غيره في بيان المراد منه ومنه المطلق ومنه المنسوخ. Il a donné des exemples, مثلا المطلق. Il y a des versets, c'est من باب المطلق. Et il faut des autres choses pour les qayyid, pour les préciser. C'est des versets et un sens général. Et il faut un autre verset qui précise. قَالَ وَمِنْهُ الْمَنْسُوخ. Aïe, مثلاً, un verset qui a été abrogé. En taï, il te faudra un autre verset pour connaître le hukm ou le ma'na. قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ تَعَالَ مُوْقِفَ النَّاسِ مِنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ. Après avoir expliqué al-muhkam wal-mutashabih, Cheikh Al-Fawzan, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى, il va citer Mawqif al-Nas. Aïe, les gens par rapport à ces versets qui sont clairs et d'autres versets qui ont besoin d'un autre verset pour être compris, les gens ils sont pas pareils par rapport à ces versets. Qala wa qad dhakara ta'ala Mawqif al-Nas min hadhayn al-qismayn al-muhkam wal-mutashabih fa qala fa amma alladhina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minha. Premier qism, première catégorie. الذين في قلوبهم زيغ لزغاري عيادا بالله. Ils étudient pas le Coran pour le haq. Ils argumentent pas avec tel verset pour la vérité ou pour rejeter le faux. Là, c'est pour le hawa, c'est pour les passions. في قلوبهم زيغ اي ضلال وانحراف. Ils ont de l'égarement dans le cœur. Qu'est-ce qu'ils font هؤلاء؟ فيتبعون ما تشابه منه. Ils prennent que les versets qui sont minal mutashabi et ils les expliquent à leur manière. Qala ya'khudun al-ayat ghayr al-wadhiha aw al-ayat al-muhtamila wa yastadilluna biha ala ma yuridun ma'a annaha muhtamila. Et on verra des exemples fi al-shirk. Ils ont délaissé qawl Allah azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ils ont délaissé qawl Allah azza wa jalla wa ma yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Ils ont délaissé kam min ayat. Et il fait tahdir min al-shirk. Kadalik des hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam clair. Et ils vont prendre un hadith ou un verset où c'est cité le mot wasila, ou tawassul, ou shafa'a. Ou ils vont prendre un verset sur al-awliya. Et là, Allah va citer cet exemple. Ils vont dire, Ondoro, dans le Coran, il y a des versets ou des hadiths, Allah, il aime les gens pieux. Est-ce que ça implique qu'il faut les adorer? Ondoro, avec ce verset, eux, ils vont expliquer, vu qu'Allah, il aime, enfin, tu peux lui demander shafa'a. Et ils égarent les gens. Et dans le haqiqa, il y a des versets qu'ils utilisent. C'est même pas min al-mutashabih. Ils égarent les gens. Mais à cause du djal, c'est devenu min al-mutashabih inda ba'd an-nas. Et ça, c'est une précision qu'on doit faire. Anna al-muhkam wal-mutashabih, c'est un amr nisbi. Pour un tel, ce verset, il peut être clair. Et pour un autre, ça peut être min al-mutashabih. Il n'a pas compris. Il lui faut une explication. خاصةً avec l'ujma. خاصةً pour les non-arabophones. لكن, كلام الشيخ الفوزان, هنا il est في الغالب, en général. وإلا, أحياناً, بعض الناس, pour eux, c'est من المتشابه. Si tu poses la question à un savant, pour lui, c'est clair. C'est من المحكم pour lui. قال, يأخذون الآيات غير الواضحة والآيات المحتملة يستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة ليست نصاً فيما يقولون لكن هم يريدون التلبيس على الناس. إيفا التلبيس على الناس. إيفا الإيغاري لي جون. عيادا بالله. ويقولون نحن استدلنا بالقرآن فيأخذون الآيات التي يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معاني فيستدلون بها على ما يريدون ابتغاء الفتنة رغبة الفتنة. بعض الناس دي زنادقة سيغطوانا تخيبك منافقون أنهم يفون دعوة يبخيطن المنطخي وجون الحق في الحقيقة يفلك الفتنة يفلك ديفيزي المؤمنين يسون بوسي بار لزنمي دالله سبحانه وتعالى يتتخب هؤلاء أنهم أحيانا يفون ستة دي فرصة دي القرآن مثلا بعضهم يستدل pour démontrer أن الإنسان il est libre أن الإنسان il faut être tolérant envers les koufars. Il ne faut pas dire Foulen, c'est un kafir, Foulen, il va en enfer. Il a akhre. Ay, harbun, ala asl, ala mabda al-wala wal-bara. Ils vont citer Qawlullah Azza wa Jal, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, qu'est-ce qu'ils ont compris, hum? La ikraha fiddin, ay, il n'y a pas de gêne dans le din. Aucune, ils traduisent par aucune contrainte en religion, ou aucune gêne. Celui qui veut faire salat, il fait salat. Celui qui ne veut pas faire salat, il ne fait pas salat. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Mais il croit avec Dine. Pourquoi forcer les autres? Ils ont délaissé tous les autres versets, tous les autres hadiths qui expliquent هذه الآية. Pourquoi ils font ça? Ils prennent ce verset du Coran et ils disent, regardez, le Coran, il appelle à la tolérance, il a akhri. Mais dans la réalité, ils se ridiculisent. Tu trouves Abd al-Kuffar, ils leur citent des autres versets. في الجهاد في الولاء في البراء في بغض الكفار إلى آخره لتتخب هؤلاء الضلال المجرمين هكذا يغبز دين الله عز وجل لماذا؟ لأنهم يفل ساتسفير للزلمي الله سبحانه وتعالى يغشرش في القرآن انفغسي كي با باتخو فخواسي لكفار إنما المؤمنون إخوة pourtant في الحقيقة هذا سيبا من المتشابه المؤمنون إخوة Et les croyants, c'est des frères, là, chèque. Et ceux qui croient en Allah, ou à tous les prophètes, à tous les livres, il a akhir. Ils ont créé ce verset, et ils ont dit, le mu'minoun, c'est des frères. Les croyants, ça englobe les juifs et les chrétiens. Les juifs, ils croient. Et les chrétiens, ils croient. Et ils ont laissé tous les adillas, l'u'ina alladhina kafaru min bani Israël, il a akhir. Qawla nabi sallam, l'a'natullahi ala al-yahoud wa al-nasara, qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Oh, ils disent, c'est nos frères. Ils vont prendre cette partie de verset. إنما المؤمنون إخوة. Et un jahil, il sait pas, il va dire, le mu'minun s'englobe les juifs et les chrétiens. Oui, il va lui dire, non. Et un jahil, il va leur dire, il croit. حتى يكذبون على الناس, et ils disent, le christianisme et le judaïsme, c'est des religions monothéistes. On dirait à la kadim. Et tu trouves, Arda Souvaha, ils acceptent et ils croient. النصارى, ils disent, Isa ibn Allah. Et c'est cité dans le Coran. Et eux, ils le savent que c'est cité là, qu'ils ne montrent pas هذا aux gens. Al-Yahoud, ils disent, Uzair. C'est Ibn Allah. Et c'est cité dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre que c'est des mouchrikoun, c'est des kafars. Et ma'ahada, ils vont dire, c'est des religions monothéistes. Ils disent que Allah il a un enfant. Et il est juif. Et kadalik les chrétiens, ils disent que c'est une religion monothéiste. Le monothéisme, normalement, c'est quoi? C'est ilahun wahid, ma'boud wahid. Ils ont dit qu'il a un enfant. Et les chrétiens, ils adorent, maintenant, les chrétiens, ils adorent Isa. Ils disent que c'est son enfant. فأين التوحيد؟ المونوتيزم إليه بل سيدو تنديد مم أو يلديز لا ترينيتي ça vient du mot 3 ça prouve qu'ils adorent plusieurs بعضهم يزادور مريم بعضهم يزادور la croix بعضهم يزادور عيسى مع هذا يكذبون على الناس tout ça c'est quoi l'asle de l'égarement الأخذ بالمتشابه on donne un autre exemple في أهل البدع والضلال الخوارج مثلا يستدلون بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ça c'est un verset من المتشابه لماذا لأن عقيدة أهل السنة والجماعة et c'est un إجماع عند أهل السنة الإجماع c'est forcément حق أن صاحب الكبيرة c'est un كبير il ira pas en enfer éternellement et celui qui fait un grand péché il ira pas en enfer éternellement il rentrera pas en enfer éternellement même s'il rentre il sortira un jour Al-Khawarij ils font partie de Ahl al-Ahwa le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les a appelés Kilabu al-Nar et c'est min akhbath khalqillahi azza wa jal mujrimoun ils font apparaître l'islam et ils font du mal à l'islam ils se servent de ce verset wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan celui qui tue un croyant volontairement c'est un grand péché fa jazaohu jahannam et il rentrera en enfer Sa récompense, c'est l'enfer. Khalidan fiha. Il dit Zandur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Khalidan. Éternellement. Ça, c'est min al-mutashabih. L'imada, le Coran, il ne peut pas se contredire. Et Ahl-Sunnah, l'unanimité de Ahl-Sunnah, ils ne peuvent pas contredire le Coran. Qu'est-ce qu'on doit faire, vi hadha al-hal? On doit revenir à Ahlul Ilm. Naam. La ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Celui qui veut comprendre al-mutashabih, il est obligé de revenir à Ahlul Ilm. Si on revient aux savants de l'islam, et on pose cette question, elle a déjà été posée kathiran, مثلا Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi et d'autres. Kayf al-jam'? Comment on fait? Hum, awalan, ils vont t'expliquer c'est min al-mutashabih, ils vont te montrer aqidat al-sunnah, elle est fondée sur qawlullah azza wa jal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est une aya muhkama, c'est un fondement dans notre din, ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout sauf le shirk. On parle après la mort, mais avant la mort, Allah il pardonne tout, même le shirk. Si quelqu'un fait tauba, un mushrik, maintenant, un juif, un chrétien, il veut se repentir, Allah il le pardonne. Lakin après la mort, Allah il peut pardonner sauf le shirk, c'est il ne le pardonne pas. On revient à notre verset. Le meurtre, tuer un mu'min volontairement, est-ce que c'est du shirk? Là, c'est pas du shirk. Est-ce que c'est un grand péché? Non. Donc, dans le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Allah subhanahu wa ta'ala, qala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ay, en dehors du shirk, Allah il pardonne à qui? Donc, le meurtre, ça rentre fi hadha. Donc, si on applique cette règle, le mutashabih, on revient au muhkam, déjà, walillahi alhamd, on aura fait un pas, ça va nous éclaircir. On saura que le meurtre, c'est un grand péché, donc celui qui, iyadam billah, qui tue un mu'min, il est tahta al-mashi'a. Binas al-aya. Pourquoi? Parce qu'on a une aya muhkam. Lakin wahid, et هذا c'est une bab al-fa'ida, il peut poser la question, lakin, huna, Allah subhanahu wa ta'ala, قال khalidan fiha. Khalidan fiha, ay éternellement. العلماء يزكسميك أن الخلود في اللغة في كل القرآن إلى اللغة العربية الخلود c'est pas forcément l'éternité أن الإنسان يسقط لا l'éternité في اللغة العربية أحيانا يسيت الخلود pour démontrer une très très longue période et هنا c'est من هذا الباب. Ça c'est une explication. Il y a une autre explication كذلك أن من قتل مؤمنا peut le pousser, iyadam billah, à délaisser son dîn. Comme a dit le hadith, qad ballah. Celui qui tue un mu'min, il peut atteindre cette situation. Et annahu, tellement qu'il sera triste, tellement qu'il sera, il sera angoissé, tellement que son iman il va descendre, iyadam billah, il peut perdre son dîn. Et s'il perd son dîn à cause de ce meurtre, il meurt à l'al-kufr, nam, il sera éternellement en enfer. Ça a été quoi la cause? Le meurtre qui l'a poussé à faire du kufr. Ou à délaisser l'islam. Amma si meurt à la tawhid et il a tué, iyadam billah, un mu'min, yawm al-qiyama, il est tahta al-mashi'a. Même s'il rentre en enfer, yawm al-ayyam, il rentrera fil jannah, limadha li'anna chaque mu'ahid, il rentrera au paradis. Comment on a expliqué ce verset? En revenant au muhkam. Amma al-khawarij, madha fa'alou? Ils ont pris ce genre de verset et qu'est-ce qu'ils ont conclu? Celui qui fait un grand péché, il va en enfer. C'est quoi le délit? Ils ont dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. العجيب أنهم après cela ils tuent des mu'minin. انظر أهل الظلال الخوارج servent de ce verset et ils tuent des mu'minin. Ils tuent des croyants. Ça montre زيغ والظلال. Et ça nous montre l'importance de revenir à أهل العلم خاصة في باب الشبه. Tout ce qui concerne les ambiguïtés, que ce soit في العقيدة, que ce soit في التوحيد, que ce soit في المنهج, que ce soit dans n'importe quel sujet, on doit revenir à Ahl al-Ilm. Lianna, certaines choubah, al-haqiqa, tout est clair fil Qur'an ou fil Sunnah. Lakin, à notre niveau, vu qu'on a un faible niveau dans la langue arabe, dans l'ilm, dans la mémorisation, ila akhirah, une choubha, à la base, qui n'est pas compliquée, pour nous, ça peut être compliqué si on ne revient pas au savant de la Sunnah. Ahada, c'est muhim. On cite un dernier exemple. Léana, cette masala, elle est importante. Il faut bien la comprendre. Et ce premier point, Rad al-Mujmal. Répondre aux ambiguïtés de façon générale. Et ce verset, c'est une règle pour tout. Un autre exemple fait Ahlul Bida'a. Mazalan, Jama'atu al-Tabliq, Al-Juhal, Al-Dullal, ceux qui sortent 3 jours, 40 jours, il a akhiri, et ils n'appellent pas au Tawhid, Tawhid al-Ibada, ils parlent que de Rububiyamou, mais ils ont plusieurs égarements qu'on traitera, Inch'Allah Ta'ala, dans notre série Les sectes en Islam. Quand on arrivera aux sectes contemporaines, on expliquera cette secte et leur égarement. Mazalan, qu'est-ce qu'ils font? Parmi leurs égarements, ils sont connus, عند كثير من الإخوة, أنهم يفون دعوة sans علم. ثم, si tu lui montres, ou si tu le conseilles, يا فلان, اتق الله. كيف واحد, il vient de sortir de la rue, il vient de quitter, délaisser certaines ma'asis, le matin et le soir, il fait un bayan, في المسجد. Ça, c'est من الجهل. Comment il va appeler une chose? Il a jamais appris. Il peut pas apprendre son dîner en une journée, là. Quand tu leur montes, ils disent « Là, lakin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala balliru anni walau aya. Balliru anni walau aya. » Et transmettez de moi ne serait-ce qu'une aya. Et celui qui connaît quelque chose, il le transmet. Ils ont pris hada. Et ils ont dit « Khlas, ouais, il transmet. » En fait, ils ont compris ce hadith avec le hawa. Ils seront revenus à « Qawlullah azza wa jal » قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فتأمل سفيرس. سفيرس يمنطق أن هذا البلاغ هذه الدعوة كالسيتي dans le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام لابد que ça soit à la بصيرة. أما bien sûr celui qui veut montrer à ses parents, à son frère, à un voisin, à n'importe qui, il a une faïda, il veut lui montrer ou un conseil, il n'y a aucun problème. Balliru anni walau aya. Lakin, même hada, c'est bi'ilm. Lakin, celui qui veut faire da'wah dans les masajid, comme ils font à tablir, voyager dans un autre pays pour montrer aux autres, alors qu'il n'est pas à la basira, fa hada, c'est min al-jahl. Et hada, il n'a pas appliqué, qu'Allah Azza wa Jal, ad'u ilallah ala basiratin, ana wa mali taba'ani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi. Hada, c'est un exemple pour vous montrer, ana, pour comprendre les textes, il faut beaucoup de choses. Il faut la langue arabe, awwalan. Thaniyan, il y a des versets, ils sont expliqués par d'autres versets. Il y a des versets, ils sont expliqués par des hadiths. Il y a des hadiths, ils sont expliqués par le Coran. Il y a des hadiths, ils sont expliqués par d'autres hadiths. Il y a des textes, ils sont généraux. Il y a des textes, ils sont spécifiques. Il y a des textes, ils sont abrogés. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle al-ilm. Khassatan fi bab al-istidlal, ilm al-usul. Il y a des chapitres navi'a. Mathalan dans la Risala Ibn Uthaymeen, Al-Usul min Ilm Al-Usul, un chapitre navi' jiddan fi Al-Istidlal. Il a expliqué, rahimahullah, tous ces points. Hada, c'est muhim. Qala, faya'khudun al-ayat allati yattadih ma'anaha bi nafsiha wal-ayat al-muhtamila li'iddati ma'ani fayastadilluna biha ala ma yuridun ibtigha' al-fitnati ay al-tashkik wal-tadlil أو ابتغاء تأويله التأويل يطلق على معنيين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمورية. Donc le but de هؤلاء c'est الفتنة أو ابتغاء التأويل. التأويل أفاد هنا حفظه الله تعالى أنه il y a deux significations. شيخ الإسلام il les a cités في التدمورية. Le شيخ الفوزان il va les résumer ici. قال المعنى الأول أن المراد به التفسير وهذا هو المعروف عند المتقدمين ولذلك تجد ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسيره يقول القول في تأويل قوله تعالى أي في تفسير premier sens التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير tu dis مثلا تفسير هذه الآية l'explication de ce verset et tu peux dire تأويل هذه الآية l'explication de ce verset هذا c'est clair. قال فإن كان هذا هو المقصود في الآية وما يعلم تأويله إلا الله فإنه يعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي أو sincérité c'est أوضح وقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي personne ne connaît son sens son explication sauf Allah et les savants. لماذا؟ لأن التأويل ça veut dire explication. هنا c'est clair. نستفيد ماذا نحن؟ que pour comprendre هذا الدين on doit revenir au savant. وتأمل قوله والراسخون في العلم. الرسوخ في العلم ils traduisent par quelque chose de ancré. ilmun qawi, avec des zawabit. Ça, ça nous montre, on ne revient pas au premier venu. Premier qui a assisté à une assise, à deux assises, qui a étudié un mois, deux ans, trois ans, khalas, on l'élève, qu'annahu il fait partie de Rasikhoun et on revient à lui dans tout. Hada, c'est pas sawab. Hada, c'est une cause pour tomber dans les choubouhad. Allah subhanahu wa ta'ala قال والراسخون في العلم. العلم درجات, العلم, il y a plusieurs niveaux. عند الشبه, dans les sujets importants, dans les ambiguïtés, dans les fitnes, on fait des efforts pour revenir à haoula. لماذا لان revenir à haoula, il y a un khair immense qu'on a déjà détaillé كثيرا. قال يعني والراسخون في العلم يعلمون تاويله وهو التفسير وذلك برده الى المحكم الذي يبين المراد منه. فتفسير القرآن على هذا الوجه لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختصون, وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسيره, وأهل الزيغ يأخذون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم. نعم, donc ceux qui comprennent l'explication de ce Coran, la shak, c'est les savants. Et كذلك طلبة العلم par rapport à leurs efforts. لكن ceux qui comprennent أكثر et qui comprennent le Coran entier, c'est العلماء. قال أما أهل الزيغ فكيس كيلفون تقدم معنا قال يأخذون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم. بوركوا بوركوا بعض الناس يفون صار يبخن تل فيرسي أحيانا نون في اون ايبوك سي ميم با المتشابه بعضهم يبخن كلكو شوز دو كلير بور ايكاري لي زوت. لماذا؟ لأن تلمون كلينيورونس لي بروباجي. بعض الناس يسون يزون اتان ان نيفو تلمون كريتيك اي ربما المحكم des choses claires, ça devient des ambiguïtés pour eux. لماذا بعض الناس يفون هذا؟ لأن الهوى, les passions, ils vont prendre ce qui les intéresse. مثلا بعض الناس vont prendre tel hadith sur le bon comportement avec les voisins pour montrer qu'il faut pas détester les kuffars, qu'il faut être tolérant الى اخره. Il a pris un دليل. مثلا quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il a visité les يهودي quand il était malade, il dit انظروا, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a visité un juif, ثم il cite des choses qui n'y a pas dans le hadith. Annahu, il faut l'aimer, annahu, il faut être tolérant. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a visité pour da'wa. Et le sunnah, ils disent que c'est permis. Celui qui connaît un juif qui est malade et il espère annahu, il accepte le haq et il le visite pour lui faire da'wa, personne ne t'empêchera, mais l'ahl al-ilm, abatan. Amma, dire que les juifs, umouman, c'est nos frères et on ne les déteste pas et annahum, c'est des croyants comme nous, hada, c'est minat dalal. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم il les a combattus si c'est nos frères. فتأملوا أن أهل الزيغ qui suivent le متشابه ils ont un but. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن الفتنة, ils veulent diviser les musulmans. Et تقدم معنا أن la seule chose qu'on peut faire نحن bien sûr الدعاء أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لهؤلاء et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de leur chute et que d'alik l'ilm pour pouvoir répondre. Il y en a tout ça. L'ulama ici, c'est pas pour qu'on passe notre temps là. Ce n'est pas des histoires là. C'est pour te montrer ils font du mal et ils essayent de faire du mal aux croyants en attaquant leur aqidah et la akhira. Et en ta, ça doit te faire bouger pour que tu fasses des efforts. Pas bouger comme certains, le Hamas, le Farir, et ils font des choses qui font du mal à l'islam. Là, ça te fait bouger et tu fais des efforts pour répondre à haoula bil-ilm. Ce Coran que eux ils prennent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui correspond à la hawa, en tant tu leur réponds avec des versets clairs qui montrent leur égarement. قال فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. أو أنا مانكي أن باساج قال ويقطعون بعض القرآن عن بعض فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. لهذا لا تغتروا. Le premier qui fait un درس أو une محاضرة أو une خطبة il cite un verset du Coran et نغتر أنه خلاص il est على حق. لا, fais attention, surtout à notre époque beaucoup d'égarés عيدا بالله. فالميزان c'est pas ça, الميزان c'est العلم, est-ce qu'il parle بعلم أم لا. أما كثير من الضلال يسيد دي فيرسي دي القرآن, لكن est-ce qu'il le cite à sa place, est-ce qu'il l'a compris comme ils l'ont compris les savants, هذا c'est autre chose. قال أما المعنى الثاني للتأويل, donc le premier معنى du تأويل c'est التفسير, أي الإكسبليكاسيون دو القرآن. قال فهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء وما يصير إليه في المستقبل مثل حقائق ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل وأشياء لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى لأنها من علم الغيب. التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء أي la chose comment elle est vraiment. مثلا dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala il a cité anna fil jannah, au paradis il y a certains fruits rumman etc, inab, il y a du asal wa laban wa khamr ila akhir, c'est cité dans le Coran. Est-ce qu'on sait comment ces choses elles sont vraiment? On ne sait pas. Fiha ma la aynun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي في الجنة يا دي شوز كنا jamais vu, on a jamais entendu, on peut pas imaginer. Donc on sait pas vraiment. On sait que c'est du miel مثلا. Est-ce que c'est comme le miel de qu'on a في الدنيا لا. لأن في الجنة c'est autre chose. لكن c'est du miel. لكن comment il est vraiment le goût il a créé, هذا on sait pas. Donc التأويل هنا c'est حقيقة الشيء. Il va citer un autre exemple avec الصفات. قال وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالتأويل على هذا المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. On fera le lien avec le verset. أولا الصفات مثلا نعتقد أن الله إلى انفيزاج ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله سبحانه وتعالى في القرآن لا ستك إلى انفيزاج بل يداه مبسوطتان إلى ستك إلى دم. وفي الحديث ينزل ربنا Allah y descend au dernier tiers de chaque nuit. Tous ces adillas, on croit. Et on sait que Allah il a des mains, des vraies mains, il a un visage. Comment il est ce visage? Haqiqatu hadha al-wajh. Allahu a'lam, on ne sait pas. On ne sait pas, on dit Allahu a'lam. Est-ce qu'il a un visage? Non. C'est ça le ta'wil. Hadha al-ta'wil la ya'lamuhu ahadun illallah. فلهذا قال شيخ الفوزان فإذا أريد هذا المعنى تعين الوقف في الآية على لفظ الجلالة لأنه لا يعلم تأويله على هذا الوجه إلا هو سبحانه. Si on revient au verset, قوله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Si on s'arrête, le sens ça sera لا يعلم تأويله إلا الله أي حقيقة ما يقول إليه مثلا في الصفات et tout ce qu'on a cité في الجنة. Ça y a que Allah qui connaît. Les savants ils t'expliquent le Coran, ils ne pourront pas t'expliquer comment les mains d'Allah elles sont أبدا. علماء السنة ils disent الله أعلم الكيفية. أما المعنى c'est des mains مفهوم فهذا. أما si on continue le verset وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فالمعنى تأويله أي تفسيره l'explication. Ça te fait deux ma'na et ça te montre que huna ces versets tu peux t'arrêter après l'offre de Jalala ou tu peux continuer ala ma'naye inda ahli sunnati wal jama'a. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تقدم معنا هذا الحديث avec le verset أظن في الكلمة qu'on a fait il y a quelques jours ou quelques semaines sur أهمية الجرح والتعديل أو pourquoi هذا التحذير من أهل البدع. Pourquoi toutes ces mises en garde? On avait fait ensemble et avant on avait cité هذا. Ça c'est un دليل من أدلة الجرح. أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر إلى mis en garde. قال فاحذروهم عليه الصلاة والسلام. Ça c'est une réfutation ceux qui disent pourquoi vous mettez en garde. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre أهل الشر. الحديث إلى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كما في الحاشية قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منها من القرآن والسنة يأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة فأولئك الذين سمى الله في هذه الآية. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم أي احذروا أصحاب هذه الطريقة لا يلبس عليكم أمر دينكم. هذا سين دليل قوي في جرح المبطلين. فيه attention. النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروهم. فيه attention à هؤلاء. Ils sont كثير à notre époque qui prennent des آيات متشابهة et ils délaissent le muhkam et ils veulent égarer les gens. Ben à notre époque, la aya ou le hadith, Dullal qui, ayyadan billah, il parle avec kalam a'da ou l'islam. Et tu trouves umma min al-nas qui les suivent, les mains, allez, anna. On vit à une époque de faiblesse fil ilm ou fil iman. Falhadr min ha'oula. Wala taghtar. Et ne sois pas trompé. Si Wahad te dit que tu es trop dur, lakin il faut évoluer. Ou il te dit à ce compte-là, avec vous tout le monde est mauvais. La taghtar bihada. On ne dit pas que tout le monde est mauvais. Lakin kathirun min al-nas l'an. Khasatan, on parle de ceux qui font da'wah, qui sont propagés dans les réseaux sociaux. Kathir minhum, ils sont à la dhalal. Et tu le dis, tu es à la yaqin. Wala taghtar. Et celui qui a la ilm, il a la il revient au savant de la sunna et tartah. Qala, hada bihi tahdhir min ulama al-dhalal, min al-mubtadi'a, li alla yulabbisu alayna amra dinina, fahaula min alladhina yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, wa yufsiduna fil ard, intaha. Naktafi bihada, et le prochain dars, on finira al-jawab al-mufassal, avec Al-Mithal. Thumma, on commencera la lecture du Jawab Mufassal, les réfutations, les répliques détaillées. Et on passe à notre deuxième dars. Inch'Allah.